Tu commences, tu commences. Tu peux rationaliser toute ta vie. Il y a des gens qui rationalisent toute leur vie, toute leur vie. Puis c'est pas facile de pas rationaliser, parce qu'on est habitué à ça. Tu vas t'acheter un char. Moi, je vais m'acheter un char, je dis c'est correct, il dit c'est correct, je l'achète, c'est final. Prends deux minutes, je signe le contrat, je m'en vais. Mais c'est pas trop pire, le dernier que j'ai acheté, je me dis, ça c'est un bon lit, n'envoie pas. Comment je veux dire? Ouais. Les gens vont regarder la coulette dans le dessous. Bon, ils dit, savent si le mot de char est bon ou non. C'est bien ça, je l'ai acheté, j'ai signé le papier, puis je l'avais jamais vu avant. Mais moi, je vous avise pas de vous fier à eux autres encore. Parce que vous êtes encore au niveau de la conscience de l'ego. Puis tant que vous êtes au niveau de la conscience de l'ego, si vous fiez aux autres, c'est votre ego qui va pouvoir se fier aux autres. Ils vont vous sacrer des chocs pour vous amener à pas vous fier aux autres. Je me suis fait fourrer. Vous allez vous faire fourrer. Fait que je vous dis, protégez-vous, checkez la gare, puis servez-vous de l'intelligence. D'avoir tout ce qui se passe entre vous et eux autres, c'est là, anyway. Mais avec le temps, t'en arrives à pouvoir te fier à eux autres. Puis c'est pas parce que tu te fies à eux autres à ce moment-là, c'est parce que tu sais que c'est ça. Ouais. Il y a un de mes amis qui m'a dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Fie pas les autres, tu fais oui. Dans le fond, tu te fies à toi. Mais ta vibration est tellement ajustée que c'est tu te fies à eux autres. J'ai dit mon affaire avec. Comprends-tu? Tu le sais que c'est ça. Oui, parce que moi, je le disais avoir tout pendant le temps, mais on m'envoie bien de la coffre. Bah, bien des affaires. Là, tout ce qu'il m'envoie, il peut pas me fier là-dessus. C'est ça. Je suis obligé d'arriver. C'est ça. Bon, je suis obligé de faire la matinée. C'est ça. C'est comme ça qu'il développe le discernement, le fameux discernement. C'est le plus grand des outils qu'on a de besoin, le discernement, nous autres. Fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour que t'aies du discernement, ils vont pas s'arranger pour te donner de l'information pour que tu peux te fier à eux autres. T'as pas de discernement. Ça sera de l'information. Le discernement, c'est pouvoir axer ton intelligence à leur intelligence. Savoir quand faire le mot. Savoir quand faire le mot. Là, t'as le discernement. Alors, le discernement, ils vont te casser les pieds, puis ils vont te casser les pieds, puis ils vont te casser les pieds, puis ils vont te casser les pieds, puis éventuellement, là, tu deviens tellement centrique, puis c'est là que tu deviens centrique. Tu deviens tellement centrique que tu checkes tout le temps, intuitivement, intérieurement, intelligemment, avec toutes tes facultés, puis à ce moment-là, t'as le discernement. Ils peuvent plus te prendre. Parce que tant qu'ils vont pouvoir te prendre, ils vont essayer de te prendre. Ça, c'est garanti. C'est la loi du supramental. Ils vont vous fourrer tant qu'ils vont pouvoir. Comme même, ça prendra 15 ans. Si vous êtes naïf, ils vont vous... Parce que tu peux pas avoir du discernement avec naïf. Ils vont vous accrocher. Je veux dire que ça, c'est simplement le développement du discernement. C'est le développement du discernement. Puis le discernement, vous allez payer pour, vous pouvez pas l'avoir comme ça. Pour l'avoir demain, le discernement, il faudra qu'il fusionne avec toi, et à ce moment-là, t'as plus de choix, là. Puis ils vont faire encore passer des tests pour changer les vibrations de tes corps. Moi, je le sais, je l'ai vécu. J'ai vécu la fusion jusqu'au niveau de mon corps physique. Puis quand ils disaient, fais telle chose, là, puis après ça, j'étais obligé de souffrir pendant 5-6 ans de la chose que j'ai faite, puis une autre chose, pour développer la résistance de mon corps mental. Puis quand ils ont arrêté, là, t'as le discernement, parce que t'es fusionné, t'as le discernement. Mais tu viens à un point où ta volonté est tellement forte que c'est là que t'agis toujours dans le discernement. Mais vous autres, vous êtes spirituels. Vous êtes bons. Vous évoluez. Tout ça. Bon, mais c'est là qu'ils vous approchent. Mon chum hier, il disait, comment est-ce qu'il me dit ça? Ma femme, elle venait de dire, parce qu'il y a une personne qui était très bonne, trop bonne, qui elle disait, tu passes d'être très bon ou à l'opposé, à être égoïste. Là, t'arrives juste au centre, après. Puis lui, il a ajouté à ça. Il dit, quand tu passes d'être trop bon, là, tu sais, bonasse, là, tu vas à la limite, là, c'est là que t'arrives au centre. Quand tu penses que t'es bien bon, là, je prends du monde qui sont bien bons, tu sais, qui peuvent pas faire de mal, là. Mais eux autres, là, quand ils sont passés d'être bien bons, là, à être égoïstes, là, là, ils sont au centre. Comment tu veux dire? Oui. Là, t'es au centre. Moi, je suis bien bon, mais je suis au centre. Moi, je peux pas me faire enlever la laine sur le dos. Mais je suis bien bon. Mais, j'ai dit ça maman. Je suis centrique. Ah oui. Totalement centrique. Tu veux dire bon quand c'est le temps. Bon quand c'est le temps. Tu peux pas être bonasse. Tu te fais vampiriser. Tous les égos sont vampiriques. T'es bon tout le temps pis t'es égoïste tout le temps. Je suis bon tout le temps pis t'es égoïste tout le temps. Ah, c'est ça être centrique. Si tu regardes la société, ça, c'est à toutes les minutes, tous les secondes.

Ou bien on dépense trop d'énergie à la chercher. C'est ça. Fait qu'à un certain moment, t'es obligé de la mettre de côté, la logique, mais tu peux pas la mettre de côté tant que t'as pas d'autre chose. Fait que tu commences à la mettre de côté quand tu commences à sentir. Puis là, au lieu de servir rien de la logique, autrement dit, d'organisation mentale des pensées formes, là, tu sers de l'intuition, puis tu regardes avec l'intuition tes pensées formes. J'ai rien contre la logique. Mais faut regarder ce qu'on soit avec le microscope du supramental. Fait que là, tu vois les failles. T'es voué les failles. C'est bien logique, mais quand c'est carré, il arrive dedans, parce que ça, c'est complètement illogique. Oui. C'est bon, la logique. Parce qu'il dit que la logique, c'est l'organisation créative du mental. Seulement que la logique, le problème, c'est que dans nos pensées formes, il y a toujours de l'émotion. Puis en plus du fait que dans la logique, on n'instruit jamais l'homme. L'homme n'est jamais instruit dans la logique en relation avec le temps. Puis c'est là, là qu'on fait des erreurs dans la logique. Parce qu'une situation peut être extrêmement logique, mais il y a un facteur temps qui est dans la situation, puis tant qu'on vit pas le facteur temps, notre logique va simplement nous faire parler, puis nous faire penser, puis nous faire penser, puis perdre de l'énergie. Dans le fond, le phénomène de la logique, c'est une perte d'énergie. Tu perds constamment d'énergie, puis d'énergie, puis d'énergie, puis d'énergie, puis d'énergie. Donc, t'es plus capable de raisonner avec logique, là. C'est eux autres qui coupent ça. Quand t'es plus capable de raisonner, c'est parce qu'ils ont détruit les forces dans le mental inférieur, de sorte que t'es plus capable de raisonner. À ce moment-là, tu fonctionnes rien que vibratoirement. Faut en arriver à fonctionner par vibration. C'est bien plus vite, la vibration, puis c'est bien plus précis. Puis ça se trompe pas, une vibration. Tandis que la logique, ça se trompe. Puis ça coûte pas cher. Gisèle, quand elle voulait s'acheter un char au mois de décembre, elle avait une logique de son char. Il était pas trop cher. C'est pas ça. Ça faisait partie de son budget. Mais moi, quand j'ai vu le char, j'ai eu une vibration. Puis ensuite, j'ai eu un autre. J'ai dit, attends, au mois de janvier. Au mois de janvier, il y a une ouverture qui s'est faite pour qu'elle ait un char un petit peu plus comme du monde, puis qu'elle rentre encore dans son budget. Fait que c'était pas logique. C'était la vibration qui prend en considération le temps. C'est ça. On le dit à elle, mais quand elle me parle des fois d'acheter quelque chose, c'est pas le temps. Ah, c'est ça. C'est pas le temps. Le temps. Quand c'est le temps, j'arrive toujours à temps, puis juste au moment. C'est ça. Il n'y a pas de logique là-dedans. C'est la vibration. Puis comme ça, j'ai dit ça, c'est pas le temps. Achète-moi pas que ça, c'est pas le temps. C'est ça. T'as entièrement raison. C'est ça. La fin économique, c'est pas ça. Mais alors, quand on cherche à mentaliser les énergies, comme ça, il arrive un moment où on ne veut pas réagir, on a la violence. Mais intérieurement, on se sent très mal, mais. C'est toi qui te fais mal. Bon, OK. L'affaire des ulcères, moi, vous l'expliquer. L'affaire des ulcères, ce sont des situations dans laquelle ou pendant laquelle la forme est maintenue et dont vous avez aucun contrôle. Puis arrive un moment où il y a une énergie qui passe, puis cette énergie-là est liée à votre discernement, puis elle peut passer bien vite, puis c'est à ce moment-là qu'il faut que tu passes l'énergie, puis là, tu détruis la forme, puis là, à ce moment-là, t'écoules l'ulcère. L'ulcère, c'est une expérience émotionnelle qui est liée avec l'activité, qui est renchérie par eux autres à l'extérieur de votre contrôle. Puis ils vont servir d'importe quoi. Ils peuvent servir de vos désirs pour vous faire mettre en dette. Ils peuvent servir de votre corps de désir pour telle chose. Tout ça, ensuite, ça crée un monstre. Puis là, vous êtes pris là-dedans puis vous souffrez de ça. Jusqu'à un moment donné où, quand vous sentez la vibration, là, vous pétez la forme. Là, vous détruisez les conditions qui ont créé l'ulcère. Alors, il y a des gens, je vais donner un exemple. C'est un chauffeur de taxi qui va travailler. Il va se faire éventuellement l'ulcère parce qu'il traverse le stress. Éventuellement, le gars, il devrait être capable de pouvoir détruire la forme de son travail pour s'en chercher un autre. Puis s'il n'est pas capable, il va vivre de son ulcère. Puis il va le nourrir. Ça fait comprendre quelque chose au gars. C'est pour... Mais ça fait partie de son expérience. Ils peuvent pas faire comprendre quelque chose. Quand t'es inconscient, tu comprends rien. Ouais. Il faut qu'il vienne à un point de réaliser. Faut qu'il prenne une décision quelque part. Ouais, sans ça, ils vont souffrir. Le gars le réalise. Il va le réaliser, ouais. Mais il va pas le comprendre. Tu vas prendre quelqu'un qui a travaillé, disons, tout le temps de sa vie, hein. Moi, j'ai lu ça sur mon père. Quand il a pris sa pension, c'est pareil comme si on y avait ôté, une poche, tu sais, de 200 livres ses épaules qu'on a remis à terre, là. Puis là, il s'est relevé, puis il se sentait libre. C'est ce qui me dit qu'il a vraiment été satisfait dans le cas de ce qu'il faisait. Il faisait, dans ce temps-là, ça fonctionnait de même. Pourquoi? Parce que là, tout le monde a porté de l'eau au moulin, puis il a peur, la peur d'avoir peur. Non. Mais avec le mental, par exemple, même si cette forme-là demeure, puis que le stress demeure, on est capable de le couper de l'effet physique. Faut que tu détruises la forme émotionnelle. Faut que tu changes la condition de vie qui crée l'ulcère. Non, mais autrement dit, c'est de remonter le stress dans le mental, de l'enlever de l'émotionnel. Non, parce que c'est eux autres qui le maintiennent. C'est la forme. Ils vont le maintenir, la forme, ils vont en faire vibrer. Ils vont te faire penser à ton problème. Parce que là, 5 ans, moi, c'est ce qui m'était arrivé, puis j'ai dit, wow, là, on fait un ulcère, là. Ouais. C'est fini, là. Ça touche pas au corps. Ouais, mais c'est ça que tu viens de, c'est ça que je te dis. À un certain moment, tu mets la hache dedans. Mais là, il y a un stress qui m'est resté, mais là, par exemple, il était dans la tête seulement. Ouais. Puis je le tenais là. Ouais. Il n'a pas qu'il descende. Ouais. Je l'ai maintenu là. Ça a pris un bout de temps avant de m'en débarrasser. Ouais. Mais je l'ai maintenu en haut. Tu mets la hache dedans. Faut que tu mettes la hache dedans quelque part. Là, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as mis sur une place. Il y avait des motos, c'est pas mal. Tu peux pas souffrir dans le mental. Dans le mental, tu souffres pas. C'est ça que tu souffres. Ouais, le plexus. Plexus. C'est vrai que si tu dégages le plexus, automatiquement, tu vas être... Si tu dégages le plexus, t'es bien. Il y a des personnes... Là, c'est toujours, regardez vos souffrances, à n'importe quelle échelle, vous allez voir que c'est toujours ici que vous souffrez. C'est toujours ici. Ils vont vous faire passer à penser ici, puis elle connaît qu'une vibration ici. Tout le temps. T'es capable de faire remonter en haut. À ce moment-là, tu souffres pas. L'émotion est coupée carré. C'est absolument coupé. C'est-à-dire que s'ils te font passer une énergie ici, tout d'un coup, hop, tu vois une vibration ici, tu souffres. Alors, la simple conscientisation de cette souffrance-là que tu veux ramener au cerveau, c'est suffisant pour... Ah oui, oui, ça coupe carré. T'en arrives à la neutraliser. Mais si elle reste ici, tu vas souffrir. Puis il y a des situations, ce qui arrive, hein, on parle des ulcères, il y a des situations que tu peux, quand même que tu mentalises, elle va revenir pareil. Si le gars t'appelle, t'as des dettes, le gars, le créancier t'appelle, rien que le fait que le téléphone sonne, tu vas avoir une tension. Rien que le fait que le téléphone sonne, tout d'un coup, c'est un chum qui t'appelle. Là, tu relaxes. Le fait d'avoir des lettres dans la boîte à mal, tu vas avoir des tensions. Parce que tu sais pas si c'est des créanciers qui t'envoient une lettre. Alors, c'est maudit. Fait que tant que t'as pas tué totalement la vibration, puis quand je dis la vibration, c'est un lien, c'est réellement une chaîne, c'est solide, c'est concret, cette affaire-là. Tant que t'as pas mis l'âge dedans. Si tu mets l'âge dedans, faut que t'aies une volonté. Faut que t'aies assez souffert dans plein de cul. Faut que tu comprennes assez la vie pour réaliser que t'es pas sur le plan matériel pour souffrir. Faut que tu comprennes assez les lois des, la loi des formes pour réaliser que toutes les formes ont une fonction chez l'homme, c'est de le faire souffrir. Toutes les formes. Faut que tu t'arranges pour souffrir, faire souffrir les gens. Faut que tu t'arranges. Faut que tu t'arranges pour pas souffrir. Tu l'as quand... ici très bien. Tu l'as ici très bien. C'est toi qui as du fun. Parce que là, c'est toi qui es acteur. Ouais. Mais faut que tu deviennes, mon vieux, supervisor, pour garder les acteurs. Ouais, mais faut pas que t'écœures les autres non plus. Non, non. Faut pas les écœurer. Tu sais qu'est-ce que t'as à faire, pis tu dis, hey, vous autres, hey, si t'es heureux, si t'es bien dans ta peau, si t'es bien dans ta peau, t'écœureras pas le monde. Si t'es bien dans ta peau, tu feras pas souffrir le monde. T'es en harmonie. T'es en harmonie automatiquement. T'es toujours objectif au monde. Mais si tu souffres, pis t'as des problèmes, pis t'as des tensions, éventuellement, quelque part, ça va se répercuter. Ben oui. Tu vas avoir le temperament court. Si tu comprends pas, tu peux pas comprendre les autres. Mais quand tu souffres pas, tu vas pas souffrir par ça. T'es bien? Mais t'es voir souffrir, par exemple. Pis, tu peux voir souffrir, des fois même, tu peux les aider. C'est comique pour mais toi. Avec discernement. C'est ça. Tu sais, quand non, si tu souffres pour eux autres, t'es un sans-dessin. Ah ben non, là, si tu souffres pour le monde, t'es un sans-dessin, t'es un cœur. Maintenant que tu peux sérieux de ça. Ça, c'est pareil comme le monde, mais je leur dis, moi, je suis pas de bien-être social. C'est vrai. Je suis pas de bien-être social. Oui, qu'ils sont pognés dans le chaud, qu'ils étreignent. Quand il dit que tous les égaux sont vampiriques, tous. C'est la nature de l'ego d'être vampiré. As-tu déjà vu des pas mal à trois jours? Tout. Pourquoi est-ce que tu penses que je vous charge 10 piastres à chaque fois que vous venez dans ces petites maudites conférences-là pour détruire le vampirisme? Puis je vais vous charger tant que moi vous voir. Puis si vous voulez pas venir, c'est de votre affaire. On est chum pareil. Puis si vous voulez venir, c'est le fun. Fait que du vampirisme avec moi, vous pouvez pas, vous donnerez jamais de chance. Jamais. Ce que vous dites, je trouve que ça vient en contradiction avec notre vie. Vous êtes là pour nous autres. Je suis pas là pour vous autres. Je suis pas là pour vous autres. Fait qu'ouvrez vos lumières. Non, non. Je suis là, point final. C'est ça. Je suis là, point final. Fait que spiritualisez pas ma personnalité. Je suis là, point final. Ouais, Dieu, là. Puis s'il est ici, pour ça, c'est parce que lui, il veut être ici. Mais il veut pourquoi? Ça fait partie de ma créativité d'être ici. C'est normal que je sois ici. C'est vibratoire que je sois ici. D'accord. Puis quand ça sera plus vibratoire que je sois ici, je serai plus ici. Fait que je suis pas ici pour vous autres. Si vous pouvez comprendre quelque chose d'après ce que je vous dis, d'après mon expérience, tant mieux. Il est pas ici pour nos yeux. Non. Ah non. Parce que lui, là, il nous fait 10 piastres pour nous aider. Non. Il nous fait 10 piastres pour nous aider. Non, non, non. Plus tard, vous allez voir des gens qui vont être poignés, mais vous allez être en capacité, vous aurez la capacité de les aider. Mais vous allez être pire que lui parce que vous allez le faire pour rien. C'est pas aider, ça. Ça, je suis rendu à faire ce qu'il fait, je chargerai. Non, c'est... Il y a quelque chose, là. Moi, je leur ai dit, quand j'ai commencé à faire des images, j'ai dit, comment est-ce que je vais charger pour ça? Parce que moi aussi, je pensais à toute l'affaire, le monde, l'affaire de spiritualité. Ils ont dit 50 piastres pour toi et 50 piastres pour nous autres. Ça, c'est la réponse qu'ils m'ont donné. Final. Puis, pourquoi pas monter ça à 105 piastres? Quand ils disent, c'est 100 piastres, c'est 100 piastres. As-tu une bonne, bonjour? Hein? Puis un jour, vous allez le réaliser, puis il y en a qui ont commencé à le réaliser jusqu'à quel point l'homme est vampirique. Mais à ce moment-là, tu voulais dire, quand tu parlais des gens pour des dettes, une dette matérielle dans le physique, c'est une dette dans les terres. Continue. Ça voudrait dire que si tu dois quelque chose à quelqu'un, il faut absolument que s'il donne, s'il donne pas dans cette vie-ci, il donnerait dans une autre vie. Vibratoirement. C'est la raison pour laquelle, vibratoirement, tu t'es tout débalancé quand t'as une dette. Parce que tu peux pas ajuster tes corps à cause que t'as une dette. Vibratoirement, toute action doit être rebalancée. Une action demande toujours un échange. Vibratoirement, les lois d'énergie. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, tu lui donnes pas, vibratoirement, il faudra quelque part dans le temps que ça soit rebalancé. C'est des lois cosmiques. Est-ce qu'il arrivera avec une personne qui usurperait d'autres personnes? Elle demanderait plus. C'est la même chose. Vibratoirement, tu es obligé de redonner. Ah oui, exactement. C'est la même chose. C'est une loi d'économie, c'est une loi d'énergie. Il faut que ça soit rebalancé. C'est la loi du karma, là. Appelez ça le karma, si vous voulez. Le karma, c'est les moins doux. Les moins doux. C'est une loi d'équilibre. Oui, mais là, c'est plus d'équilibre. Là, le monde est débalancé. Là. Comme je te disais tout à l'heure, on vit plus pour les autres, on vit hein, pour les autres. Mais... Parce que t'as bien trop de parasites aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que des gens sont malheureux. C'est du vampire. T'en as-tu trouvé des parasites? Hein? T'en as-tu trouvé des parasites? Non, je les ai éliminés. Ben, je comprends pas ça. Encore... dans les lectures qu'on a faites, vous allez peut-être me dire c'est du passé, puis faut laisser ça de côté. Moi, quand ils disent que le type a fini là, de son évolution, puis qu'il choisit ce sentier, de il refuse, je sais pas comment dire ça, il refuse il appelle ça l'état nirvanique, là, dans ces livres-là, là. Pour faire compassion pour l'humanité. Pour choisir le sentier, ce sentier-là, ça vient en contradiction avec ce que vous dites. Peut-être que vous êtes pas là pour nous autres, dans un sens. Quand je dis que je suis pas là pour vous autres, je suis pas là pour l'idée que vous avez que je suis là. Non, vous êtes là pour aider l'évolution. Je suis là pour des raisons qui me sont connues, qui sont internes, puis que je parle pas au monde. Ça, c'est une chose. Mais je suis pas là pour votre bien-être psychologique. Je suis là pour des raisons qui sont totalement vibratoires. Je suis là pour faire un travail qui est créatif, qui est fonctionnel, qui a des dimensions.

À un certain moment, il faut que ça arrête, ça. Les individus sont autonomes, puis il faut qu'ils soient autonomes. Puis moi, je sais que j'ai le pouvoir vibratoire pour vous amener à ça. Puis je vais vous amener à ça. Que vous le vouliez ou que vous le voulez pas, si je ne vais pas sur le plan matériel, mais faire ces autres plans, mais vous allez arriver à ça. Ça, ça fait partie de mes affaires à moi. Mais je peux pas vous demander de comprendre ce que je veux dire aujourd'hui tout de suite. Ça se comprend pas. Tout de suite, c'est vibratoire. Fait que je vous donne des chocs vibratoires par la parole, par la parole, par la parole, puis j'arrête pas. Le gouverneur, lui, tu sais, ça peut me faire une qu'on a. Mais tu peux écrire au gouverneur, parce que vous êtes en contact avec toi, écoute, on s'en crée une réforme. Vous en créez parce que vous pensez. Un jour, vous en créez le but. Je commence à comprendre quand tu dis là, que tu t'occupes de tes oignons, tu veux dire nous autres. Tu vois que t'es pas grand chose, là. T'es aujourd'hui, je me voyais pas. T'es vrai que j'aurais pu mourir toi, là. Quand vous allez être autonome, vous allez être bien. Quand t'es autonome, t'es libre des forces. T'as pensé au père qui disait à son petit gars, quand tu vas être vieux, tu vas comprendre, et le petit gars, il a hâte en maudit d'être vieux, les parents. Ouais, mais faut qu'il passe par son expérience. Bon, au moins, l'avantage que vous avez sur le plan matériel, c'est de savoir que vous allez quelque part. Vous savez pas où. Mais au moins, vous allez quelque part. Ça clique avec votre intérieur quelque part dans votre machine. Parce que si ça clique à pas, vous viendrez pas me voir. C'est normal. À moins d'être totalement cassé dans la tête. Fait que si ça clique quelque part, au moins, il y a ça. Au moins, vous allez quelque part. L'avantage que l'homme a aujourd'hui, c'est de pouvoir finalement avoir des réponses à tout. C'est ça, l'avantage. Fait qu'on a un avantage, c'est qu'on a des réponses à tout. Du moment que ça crée pas d'effort. Disons qu'on a des réponses à tout. Mais seulement c'est à des fausses.